gamme de sol majeur. Le mode mixolydien. Pentatonique, le plan Ciavolo. Plan Django. À transposer. La gamme blues avec des notes blues.